Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Ce dont tu as besoin pour voir la manifestation de la puissance divine dans ta vie, c'est la foi. Est-ce que tu comprends? Cesse d'écouter les gens qui ont échoué. Il faut te débarrasser des gens qui ne sont là que pour te raconter leurs échecs. Attache-toi aux personnes qui ont réussi et vois la grandeur de Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce qu'il te demande. Il faut oser. Avec la force que tu as, avance et tu verras un grand déblocage. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Notre texte d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Cette prière, nous la connaissons tous sous le nom de la prière dominicale ou la prière de notre Père. Aujourd'hui, nous allons voir la première partie qui concerne les requêtes que nous adressons à Dieu. Souvent, lorsque nous prions, nous voyons surtout seulement nos besoins. Hein, mon ami, quand tu pries, toi, tu es toujours pressé. Quand tu commences, Dieu bénis-moi, Dieu donne-moi les passeports, Dieu donne-moi les maris. La prière ne commence pas par « donne-moi ». Tu vois ici, nous allons examiner ici quatre grandes vérités tirées de cette première partie de cette prière. La première vérité, c'est que nous adressons notre prière à celui qui est notre Père. Cela veut dire quoi? La prière, dans le sens chrétien, dans le sens du Nouveau Testament, c'est une conversation entre celui qui est enfant de Dieu et le Père Céleste. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, la Bible dit que tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui se trompent en disant, moi, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. Moi, ma maman, elle est chrétienne, diaconesse, mon ami. Ça ne veut rien dire. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie où ma maman est ceci, mon papa est ceci. C'est une vie de rencontre personnelle avec Christ. Car dans Jean, chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Ça veut dire, c'est dans la mesure où toi tu es sûr, tu es rassuré que tu es enfant de Dieu, que tu peux prier. Autrement, si réellement tu n'es pas encore enfant de Dieu, il faut commencer par là. Il faut d'abord te repentir. Il faut croire en Jésus, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de gens qui viennent à la prière. Ils disent, je vais prier. Mais tu dois te poser d'abord la question. Est-ce que tu connais ce Dieu que tu pries? Est-ce qu'il est ton Père? Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Nous sommes ces créatures, mais ne sont enfants de Dieu que ceux-là qui ont cru en Jésus de manière personnelle, comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la prière, notre Père. Mais ce Père-là, il est où? Il est aux cieux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que de la même manière que nous avons des pères terrestres, mais nous avons un Père céleste qui est dans les cieux. Je veux parler à un jeune. Tu es orphelin, tu as perdu ton père. Et souvent quand les gens te posent la question où est ton père, tu sens la tristesse. Mais j'aimerais te dire, grande devrait être ta joie de savoir que tu n'es pas réellement un orphelin parce que tu as un Père céleste qui est capable de s'occuper de tes études, qui est capable de pourvoir à tes besoins. tu dois être rassuré. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père ». Ça veut dire que nous devons avoir cette liberté de nous approcher de Dieu en tant que notre Père, notre Papa. Quand tu pries là, tu dois avoir cette liberté de parler à ton Papa. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Par le Saint-Esprit, lorsque tu es enfant de Dieu, tu peux t'approcher librement, sans crainte, sachant que tu parles à ton Père. Deuxième vérité, nous devons glorifier le nom de Dieu. C'est ça le sens de cette deuxième requête, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu incarne sa personne. Dans d'autres versions, telles que la Bible des Semeurs, il est dit que ton nom soit reconnu comme grand, que tu sois reconnu comme Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons chercher à élever le nom de Dieu dans notre vie. Nous ne devons pas chercher à nous élever nous-mêmes. En toutes choses, il faut rechercher que la gloire lui soit rendue, que l'élévation lui soit rendue. C'est ça le sens de sanctifier le nom de Dieu. Reconnaître sa sainteté, reconnaître qu'il est mis à part, reconnaître qu'il est Dieu et qu'il n'a pas d'égal. La Bible dit, le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Il faut que par ta vie, tu puisses reconnaître que Dieu est Dieu et qu'il n'a pas de pareil et que tu puisses le glorifier par ce que tu fais. Troisième requête, que ton règne vienne. Nous devons demander que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Quand on parle du règne de Dieu, il y a deux aspects. Il y a le règne présent. Mais il y a aussi le règne futur. Le règne présent de Dieu se manifeste lorsque celui qui prend la première place dans nos vies. Il doit régner dans ta vie. Il doit régner dans ta maison. Et là où Jésus règne, là où Dieu règne, le péché ne peut pas régner. Là où Jésus règne, le diable ne peut pas régner. Là où Jésus règne, les démons ne peuvent pas régner. Est-ce que tu comprends? Je vais parler à quelqu'un qui est tourmenté par les esprits méchants. Tu n'arrives pas à dormir. Tu es tourmenté par la maladie. Tu es tourmenté par les puissances sataniques. Invoque le règne de Dieu. Quand tu dis que ton règne vienne, il va descendre dans toute sa puissance. Il va renverser le règne satanique. Il va renverser tout ce qui te trouble. Est-ce que tu comprends? La Bible déclare que le Fils de Dieu apparaît dans ce monde afin de détruire les œuvres du diable. Quand tu pries que ton règne vienne, il va descendre. Il faut désirer. Il faut souvent prier pour dire, Seigneur, viens régner. Mais attention, quand tu demandes de venir régner, tu ne dois pas accepter que le péché règne. Quand tu demandes à un roi de venir chez toi comme roi, un président de la République, mais tu dois bien l'accueillir. S'il y a la saleté dans ta vie, il faut enlever d'abord la saleté, là où Dieu veut régner. Est-ce que tu comprends? Que ton règne vienne. Mais il y a aussi les règnes futurs. Les règnes futurs, c'est ce que nous attendons, que Jésus revienne comme roi. Et ça s'accomplira quand il reviendra. Et nous tournons nos regards vers ce retour glorieux. Parce que la Bible dit, Jésus revient bientôt. Et l'une des manières de hâter ce règne, c'est d'évangéliser, de prêcher l'évangile à toutes les nations. Parce que Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, après quoi viendra la fin des temps. Que ton règne vienne. Il faut qu'en tant qu'église, nous préparions les gens au retour de Jésus. C'est aussi ça le sens de que ton règne vienne. Troisième vérité ou troisième requête. Quatrième vérité, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La vérité que nous tirons ici, c'est que nous devons rechercher toujours la volonté de Dieu et non la nôtre. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien. Tu cherches un mari, ça fait longtemps. Mais tous les hommes qui te demandent là, tu ne veux pas. Toi, tu veux un blanc. Toi, tu veux quelqu'un qui a déjà voiture. Tu veux quelqu'un qui est comme ça. Mais attention. Si tes désirs sont charnels, le mariage peut tarder. Apprends maintenant à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu, elle est la meilleure. Nous voyons l'exemple de Jésus. Quand Jésus devrait affronter la mort sur la croix, à Gethsémané, en tant qu'humain, il sentait que porter la croix était difficile. Parce qu'il sentait la douleur. Mais il a prié en disant, Seigneur, si cette coupe pouvait passer loin de moi. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il voulait s'esquiver. Il voulait que la mort passe loin de lui. Mais il a ajouté, « toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, que ce soit ta volonté. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que parfois la volonté de Dieu peut sembler dure. Est-ce que tu comprends? Que ta volonté soit faite. Je vais parler à un jeune. Le Seigneur t'a appelé au ministère comme serviteur à plein temps, comme pasteur, comme prophète. Mais toi, dans ta vie, tu dis, tu n'aimes pas ça. Mais si c'est la volonté de Dieu, il faut que tu acceptes en disant que ta volonté soit faite. Est-ce que tu comprends? Non pas ma volonté, mais recherche la volonté de Dieu. Tant que tu rechercheras ta volonté, tu vas voir, tu iras toujours de blocage en blocage. Mais humilie-toi, accepte ce que Dieu te demande de faire en disant que ta volonté soit faite. Est-ce que tu comprends? Mais il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite parfaitement au ciel par les anges. Parce que dans le livre des psaumes, la Bible nous dit que les anges font sa volonté. Comment? En lui obéissant. Et nous, nous devrions suivre ces modèles-là, cet exemple-là. Nous faisons la volonté de Dieu lorsque nous lui obéissons, lorsque nous acceptons sa direction, lorsque nous acceptons de faire ce qu'il nous demande de faire. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tu comprends, ma sœur? C'est pourquoi Jésus nous apprend à dire. Quand nous prions, il faut dire que ta volonté soit faite. Cesse de lutter avec Dieu. Cesse de lutter avec Dieu. Ça fait longtemps. Dépose maintenant au pied de Jésus. Dis-lui que ta volonté soit faite. Lorsque Marie a reçu la vie de l'ange, l'ange lui a dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Elle a dit, mais comment cela se fera-t-il? Parce que je ne suis pas vierge. On lui a expliqué en disant, la puissance du Très-Haut viendra, le Saint-Esprit viendra. C'est pourquoi le fils que tu portes sera appelé fils de Dieu. Marie a dit, je suis la servante de Dieu, qui me soit faite selon sa volonté. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses où il faut se soumettre à Dieu en disant, Seigneur, je veux faire ta volonté, utilise-moi. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier, le louer pour ce qu'il est, pour ce qu'il nous révèle. Chantons ces cantiques. Gloire au Dieu des armées. Gloire à celui qui est assis sur le trône de gloire. Celui devant lequel les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent et disent qu'il est trois fois saint. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées, saint, saint, saint. Et son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées, saint, saint, saint, et son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées, saint, saint, saint, et son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tous dans les lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées, saint, saint, saint, et son puissant nom. Mmh. assis, il est assis sur son trône élevé, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Puissant nom, Jésus est assis, il est assis sur son trône élevé. Oh, alléluia, et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Son puissant nom, Saint, Saint, Saint, Saint, Saint, et son puissant nom, il est trois fois saint, Saint, Saint, Saint, et son puissant nom. Alléluia, notre Dieu digne de louange, il est notre Père, il est ton Père, il t'aime, il pourvoit tes besoins, il t'a aimé, il t'a donné son esprit et il te donne la liberté de t'adresser à lui. Élève ta voix, bénis son Saint-Nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 9, versets 1 à 3. Seigneur, merci et merci parce que tu nous apprends à prier. Chaque jour, tu nous donnes des instructions. Chaque jour, tu nous orientes. Chaque jour, tu nous parles. Oui, dans cette ta émission, tu ne cesses de nous donner, Saint-Esprit, ta volonté. Merci parce que tu veux que nous prions selon ta volonté. Tu as dit que ton règne vienne. Seigneur, nous voulons que ton règne soit dans notre vie. Merci donc pour ce règne qui se manifeste dans la vie de quelqu'un. Merci parce que ta vérité est toujours bonne. Et nous voulons marcher selon ta volonté, selon la vérité de ta volonté. Merci parce que tu nous aides à marcher, à obéir à ta volonté. Merci parce que tu nous aides à accepter ta parole et à la mettre en pratique. Merci pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu pour ton esprit qui œuvre en nous et qui nous donne de ne faire rien ce qui est conforme à ta volonté. Sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Matthieu 6, 9 à 10. C'est la première partie de la prière de notre Père. Nous venons d'étudier les quatre premières requêtes que nous adressons à Dieu, les quatre vérités qui nous montrent les trois premières requêtes que nous adressons à Dieu. Première requête, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que tu sois reconnu comme Dieu. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Je veux que ton nom soit sanctifié dans ma vie, par mon comportement, par tout ce que je fais. Quand les gens me voient là, qu'ils puissent glorifier ton nom, élève ta voix, bénis le Seigneur, prie le Seigneur au nom de Jésus. Père, chaque matin, je suis dans la joie lorsque j'invoque ton nom. C'est avec une bonne humeur que j'exprime ma reconnaissance pour tous tes bienfaits dans ma vie. C'est par ton amour, ô Père éternel, que j'ai été transporté du royaume des ténèbres vers ta lumière, vers ta grande lumière. Sans ta lumière, ô Dieu, que ferais-je dans ce monde? C'est pourquoi, Père, j'ai pris l'engagement de marcher dans tes voies. J'ai pris l'engagement d'être un exemple dans tout ce que je fais. J'ai pris l'engagement, ô Père éternel, de sanctifier ton nom, de promouvoir ton nom dans tout ce que j'entreprends, partout où je vais, dans tout ce que je dis et dans tout ce que je fais. Merci Père éternel pour ce privilège que tu me donnes et que tu donnes à chacun de tes fils et chacune de tes filles qui ont reçu ton fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je prie dans le nom de Jésus et je déclare que toute force rétrograde, toute force obscure, toute force des ténèbres qui tend à pousser tes enfants à ne pas se comporter en digne représentant de ton royaume soit liée au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute force des ténèbres qui incite tes enfants et qui m'incite à marcher dans les voix qui ne t'honorent pas. Merci pour l'Esprit Saint mis à notre disposition, qui est notre consolateur, qui est notre aide, qui est notre secours et qui est notre appui. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ et avec reconnaissance que j'ai prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que quand nous prions, nous devons dire que ton règne vienne. Tu vas prier pour demander le règne de Dieu, d'abord dans ta propre vie. Que ce règne vienne détruire la maladie qui a régné dans ta vie. Que ce règne vienne détruire les liens sataniques. Que ce règne vienne dans ta famille où règne la sorcellerie, où règne l'envoûtement, où règne les blocages. Tu vas dire, Seigneur, que ton règne vienne. Viens régner. Viens détruire les règnes sataniques. Viens détruire tout ce qui est négatif. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, notre Dieu, notre Père. Honneur à toi, notre Seigneur. Puissance à toi, élévation, majesté. Nous te bénissons parce que tu nous dis dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Oui, nous demandons ton règne. Nous demandons ton règne dans nos vies. Ton règne dans nos foyers, ton règne là où nous travaillons, ton règne dans nos églises, ton règne dans la gestion de nos biens que tu nous as donnés, ton règne. Le diable est venu pour détruire, le diable est venu pour s'imposer, le diable est venu pour nous diriger, pour nous apprivoiser, téléguider, dompter, magnétiser, traumatiser. Nous voulons éradiquer son règne aujourd'hui et proclamer le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne du Saint-Esprit, le règne. Nous voulons ton règne dans nos vies maintenant. Il y a longtemps, son règne, à travers son règne, il a opposé tes enfants, il a détruit. Il a détruit, il a empêché d'avoir la joie. Mais ton règne apporte la joie, la paix, la réconciliation, l'entente, la communion. Et c'est ton règne que nous souhaitons maintenant même. Ô Seigneur, agis dans nos vies. Au nom de Jésus, amen. Amen. La troisième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à accepter sa volonté. Prions pour plusieurs personnes qui cherchent leur propre volonté dans le cadre du mariage, dans le cadre du travail, dans le cadre du ministère. Que nous apprenions à dire, Seigneur, que ce soit ta volonté et non ma volonté. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'apprécions parce que tu es un bon Père. La Bible dit dans le psaume 119, verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Père, ta parole est ta volonté et dans ta parole, tu tires des enseignements qui sont ta volonté pour que ces enseignements soient pratiqués par nous. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous nous détournons de ta volonté et nous voulons faire passer nos pensées, nos idées à ta volonté. Nous voulons nous imposer nous-mêmes, oui, notre propre volonté comme étant ta volonté. Aie pitié, sanctifie-nous, libère-nous pour toutes les personnes qui se sont détournées de ta volonté, qui n'acceptent pas ta volonté et qui marchent selon leur propre convoitise. Seigneur, dans notre mariage, nous n'avons pas souvent prié pour rechercher ta volonté. Dans notre travail, dans notre carrière, dans notre projet, Seigneur notre Dieu, nous avons fait ce qui était bon à nos yeux. Sanctifie-nous, Papa. Aide-nous, ramène-nous, Père, afin que réellement, dans tout ce que nous fassions, ta volonté soit vue, ta volonté soit manifeste, pour que ta bénédiction qui ne fait suivre d'aucun chagrin soit notre partage. Merci de nous visiter. Merci de nous orienter par ta volonté. Merci de nous guérir, car ta volonté, c'est de nous guérir. Car tu dis, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Merci parce que ta volonté, c'est que nous soyons en bonne santé. Ta volonté, c'est que nous soyons guéris. Ta volonté, c'est que nous soyons, oui, dans la joie. Au nom de Jésus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si OSB vous a fait du bien, où que vous soyez, nous avons besoin de votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.